sors de ma bulle. Je crois que c'est l'heure. Tout va bien. Des corps d'enfants cachés dans ta paille. Voilà pourquoi dans ma tête c'est la pagaille.